BKFM jusqu'au bout du monde. Pile heure pour votre checkpoint de l'événementiel à Boaké. J'ai nommé BK Event. Fanfan au micro et David Touré à la régie. Je suis présentement avec les membres de Buvons le National. Buvons National, c'est un mouvement organisé par des jeunes. Et notons que je suis avec Monsieur Max, le sniper, et Oussou Ange. Bonjour, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé non, tout à l'heure? Il me suit partout, c'est comme ça. Non, on dirait que vous vous êtes laissé emporter par la musique plutôt. D'accord, vous allez bien? Vous êtes bien installé dans le studio? Bien installé, super, et vous? Ça va. Ok. On vous a reçu la semaine passée pour un événement. Exactement. Et comment s'est déroulé l'événement? C'était bien? C'était comment? Eh bien, nous étions ici le samedi passé pour annoncer l'événement du 5. Du mercredi 5, qui a opposé le digue Marco Denon depuis Abidjan, voilà, et le digue Samson. Franchement, l'événement était de taille. Voilà, tout le monde s'est amusé, le client était satisfait. Marco Denon nous a envoyé des freestyles de fou. Franchement, l'événement, on n'a fait qu'applaudir, danser tout le monde là-bas. Samson aussi, avec ses sélections, franchement, waouh! On a voyagé au pays des Bob Marley, Diarra Safora, et on est rentré chez la Tigresse Sidonie. On est ressorti par Digue Arafat et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un concours mix qui oppose deux Digue Platine qui tiennent en extase le public, chacun à son tour. Voilà, c'est un peu ça. Donc l'événement était de taille. Donc on invite tout le monde encore, tous ceux qui ne sont pas venus, voilà, à se rendre encore à la prochaine édition qui sera le 12. Voilà, ce mercredi 12. Qui opposera le digue Tanguy Denon, ouais, le vieux Tanguy Denon depuis Abidjan, voilà, et le digue Tchalabi Sion de Boaké, ça c'est le vieux de la vieille de Boaké, tout Boaké complet qu'on est, voilà, donc ça sera encore un événement de ouf, donc tout le monde est invité, voilà, c'est un peu ça. Et pour ceux ou celles qui ne connaissent pas DJ, le premier DJ, vous avez dit Tanguy Denon. Non, le premier. Marco Denon, c'est qui? Pour ceux qui ne connaissent pas Marco Denon. Marco Denon, c'était pour l'événement passé. Oui, je sais, mais je vous voilà. Demande. Marco Denon, c'est l'un des DJ d'Arafat. Voilà. Il a aussi animé au stade, voilà, pour les funérailles d'Arafat. Voilà. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Voilà. C'est aussi pareil qui s'est passé encore. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est une sorte de clash, c'est ça? Voilà. En fait, c'est une sorte de clash, mais c'est pas clash en tant que dit, quoi. Voilà, nous, on rend ça un peu clash pour créer un peu le buzz, la communication, tu vois, pour apporter encore l'engouement dans la chose. Entre eux, collègues, voilà, on vient s'amuser, faire danser les gens, la clientèle, tout le monde. Voilà, clash, c'est bon. On dit ça pour la communication, si on... voilà. Ok, pas de souci. Le prochain événement, c'est pour quoi? Le prochain événement, c'est le 12. Le 12, ça, c'est pas musulman. Hein. C'est pas du jeu. Le 12, ça sera vraiment impressionnant. Parce que ce 12-là, à partir des 20h, si tu n'es pas au Place VIP, tu quittes la ville de Boaké. C'est clair. Ça, c'est clair. Parce c'est que clair ce 12-là, il y aura de la magie musicalement parlant. C'est clair. Parce que quand on parle de Tanguy Denon, Tanguy Denon, j'ai déjà entendu. Ouais. On parle déjà. Avec la plupart des morceaux. Voilà. C'est clair. Quand c'est Arafat joue, dit Tanguy Denon. C'est lui-même qui vient. Lui-même qui est là. Pas la photocopie, voilà. L'original. La photocopie, c'est original. Voilà. Déjà, mercredi matin, il sera là, à Boaké. Et puis, nous allons commencer ensemble à faire les démarches de communication comme il faut. Il nous a déjà confirmé sa présence, voilà. Il va prendre le vol déjà le mardi, mercredi, il sera déjà à Boaké, puis on tout sera calé, quoi. Donc, ça sera avec Tchalabi. Je pense que ça sera une compétition vraiment amusante. Donc, il faut que Fantôme, tu sois là. Par rapport à ça, tu seras fin. Tu vois, non? Voilà, c'est le Buvons National. Chaque mercredi, à partir des 20h, c'est comme ça. D'accord. Et quel est le contenu de votre soirée? C'est vrai que les deux DJ seront opposés, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose prévue ou bien... Voilà, le contenu, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est tout un programme, Lou et Alechamp. Nous invitons des artistes, des DJ, voilà, surtout d'Abidjan et de Boaké. Nous les mettons en prestation devant un certain nombre de clients, voilà, et aussi peut-être d'invités ou des personnalités qui viennent justement nous voir. Voilà, c'est pour juste inculquer voilà, le savoir de la musique à ceux qui sont encore réticents par rapport à la musique, surtout au showbiz, surtout tout ce qui se passe dans la nuit. Ouvre un peu. Donc nous, comme ça, on a décidé de créer un truc qu'on appelle ça la matinée du Bureau National, voilà, en créant une symbiose entre nous et la jeunesse des Boakés et surtout le showbiz des Boakés pour essayer d'éclabousser encore les choses. Parce qu'on a remarqué, on a constaté qu'à un certain moment, les choses à Boaké, ça dormait un peu trop. Donc, il fallait encore réveiller une dynamique de transporter ce qui se passe à Abidjan, à Boaké, maintenant, à notre style, quoi. Boakwa. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et là, quelles sont les cibles visées? Les cibles visées, c'est toute la jeunesse, les propriétaires d'espace, les responsables, les étudiants. Oui, je ne veux pas vous interrompre, mais pourquoi forcément la jeunesse? Parce que c'est la jeunesse qui aime le bruit, c'est la jeunesse qui aime s'amuser. Non, ce qu'on fait, ce n'est pas du bruit. Hein. Non, quand je dis du bruit, ne dis pas du bruit. Voilà, ne dis pas du bruit, c'est un truc professionnel qu'on D'accord. fait. C'est un truc de responsable. D'accord. Parce que le responsable même qui va venir, va se sentir même dans la chose. Quand les DJ sont en train de jouer les morceaux de Fali pour pas mettre de la rumba, des Horason, des d'autres artistes, tu vois, de la diaspora, c'est pas que seulement que la jeunesse, tout le monde est invité. Celui qui va venir va se sentir dans la chose parce que quand tu n'as pas de freestyle, c'est-à-dire que le DJ peut te jouer peut-être 30 morceaux en moins de 5 minutes, même en moins de 10 minutes. Et tu comprends? C'est-à-dire qu'il te joue peut-être 30 à 25 morceaux en moins de 15 à 10 minutes. Tu comprends? Donc c'est-à-dire que la rapidité de l'artiste, du DJ, va te faire voyager de là à là. Donc, ah bon. C'est normal que tu seras fin. Je ne veux pas me prononcer, voilà. Mais à vous entendre parler, ça donne... Ça donne envie, dites-les, de devenir. Plus ou moins. Voilà. Envie de venir à Pas moins, il faut venir même. Ça plus te donne envie de venir. Voilà. Voilà, c'est toujours le plus, tu c'est vois. C'est toujours le plus. Voilà, d'accord. C'est comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Allez-y, on vous écoute. Pourquoi particulièrement la jeunesse? Bon, la jeunesse, parce que c'est une cible facile à atteindre, tu vois, non? Voilà, la jeunesse, quand il y a un truc ici, la jeunesse, c'est rapide, quoi, c'est chap-chap, tu vois, un peu. Avec le responsable, voilà, avec la jeunesse, c'est rapide, c'est vite fait, tu vois, non? Le responsable va dire, bon, je vais voir mon programme, mon calendrier, est-ce que madame va accepter qu'il sorte, c'est tout ça. Entendons les jeunes, en avant. Ah bon, donc, vous êtes en train de nous dire que tu vois, bien, les responsables sont ceux voilà, c'est seulement qui ont une femme voilà, chez eux à la maison. Vois, là, je ne suis pas d'accord avec attends, vous. Non, en fait, d'accord, entends avec la jeunesse, là. Forcément, il va tirer sa petite, ils vont c'est venir, chap, voilà, c'est chap, chap. Il y a trop de moments qui se passent là-bas. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais d'accord, il n'y a pas de souci, c'est juste vous taquiner, vous okay. titiller un peu. Ok, donc c'est le lieu, c'est Place VIP. Ouais, Place VIP. La cave Place VIP. Ouais, la cave Place VIP. Vous pouvez me donner la géographie, s'il vous bon, plaît. Bon, la cave Place VIP, lorsque tu prends au feu le petit marché d'Air France, la voie qui mène la rue de pharmacie jusqu'à la pharmacie Ayata, ou bien la voie qui s'allonge jusqu'à là, la résidence du colonel Ouattaro, voilà, ou bien l'ancienne voie Conan Lambert. Voilà, juste après le glacier qui est là pour ne pas faire des publicités, le Place VIP est là, en bordure de route. D'accord, voilà. Donc c'est facilement accessible. Trop facilement accessible. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est à partir de quelle heure? C'est à partir des 20h. 20h. La magie commence à partir des 20h. 20h. À 20h. Jusqu'à l'aube? Non, jusqu'à l'aube. D'accord, il n'y a pas en de souci. En tas. Vous êtes en tas. Tous les jours. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, fidèles auditeurs de la radio Gbeka FM, vous avez... entendre de vous-même, je sais pas quel autre talakou que je pourrais faire de mieux que celui que DJ Max le sniper vient de faire. Donc je vous exhorte à venir massivement le mercredi 12 février 2020, après demain. Vous êtes perturbable, vous. Ouais, tu vois, Odile lundi, tu vois, non, quand on dort la nuit. Demain matin, on dort. Mercredi, là, on ne dort pas. C'est fini. Tu me comprends un peu, non? Voilà, c'est moi. Voilà, donc okay, on dit après demain. Après demain. C'est 12 là, tu réfléchis encore. Donc on que c'est 12 mars. Tu peux tomber dans un autre mois. Voilà. Tu vois, non? Donc, voilà. Donc tu dis non, c'est après demain. Après demain. Après demain, là, 20h. Ça, c'est comme si on parle au quartier. Après demain. C'est tout, c'est comme ça. D'accord. Info line, s'il vous plaît. Bon, info line, mon ami. Le 78-21-21-78, le 58, le 78, 2 fois 21-78, et le 58-46-35-33 à la fin. Voilà. Ah, il n'y a pas de move, vous ne consommez pas move chez vous? Consomme move, mais... C'est moi, si je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de crédit Orange pour vous appeler que j'ai du crédit move. Non, tu bip, nous, on t'appelle. Nous, même si on veut SOS. Au plein VIP, là. Nous, là. on fait transfert à nos clients. D'accord. Le voilà, gratuitement. Quand ils viennent là, là ils appellent. C'est comme ça. Le client est plus que roi. Ouais, s'il y a voilà, plus que roi, là, il est ça. Et puis chez nous, là, les premiers moussas arrivés le mercredi 12, là. Consommation gratuite. C'est gratuit, c'est comme ça. Ah, bon. Consommation gratuite, arrive, là, à chicha gratuit, c'est comme ça. Tu bois cadeau. Cadeau, voilà. Tu bois. D'accord. Maintenant, de là, là, quand tu fais deux, trois communications, les gars, tu rejoins. Là, là tu connais comme, à c'est là. Clair. De là, voilà. Le match commence. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ouais. Fidèles auditeurs, venez massivement participer à la matinée du Buvon National. Au plaisir, voilà. Au plaisir, c'est clair. Plaisir, voilà. Tant qu'il te donne la mission, c'est comme ça. On dit de ne pas dire mercredi, donc après demain. Après demain. Donc après demain. Voilà. Plaisir IP. Après demain, mercredi. Après demain, viens avant mercredi. Après voilà. Demain. C'est notre jeu de machin. Voilà. J'ai invité aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de voilà, voilà, toutes les jeunes sont des bois qui sont invités. Voilà, tous les jeunes garçons, c'est comme ça. Les voilà. Hommes de la nuit, les étudiants. On s'amuse, c'est comme ça. Voilà, le président famille, tout le monde est invité. C'est pas du jeu. Le vieux Tchalabi, big up à toi. Voilà, c'est comme ça. Tanguy Denon, affaire à suivre. Voilà, c'est clair. Chacun a voulu, on n'est pas dit. C'est le jeu de machin, mercredi. Ok. Fidèles auditeurs, c'était tout pour le checkpoint, mais restez connectés. Tout à l'heure, il y a une petite émission spéciale pour vous. Merci et bisous, bye bye. Merci. FM jusqu'au bout du monde.